Le 1er novembre, le comité de souvenirs des camarades Kim Jong-il est constitué à Prague, Tchèque. Le comité a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter la vie révolutionnaire et les exploits immortels du général Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.